fumé un keuf, c'est le hit kbir. J'ai de la neige comme Gilles Bill, un grand sol et une petite balle. Toi sur la gâchette, il t'insulte ta daronne comme Mouloud. Et je me demande toujours qu'est-ce que je vais faire de ces palettes de bricks. Et j'ai toujours un joint dans le bec, suspect comme si je venais de Molenbeek. Il a les oreilles décollées comme Khabib, flemme de me battre, je tire sur le bec. Le baveux je le perds dans le 6 du mois, et j'envoie les crimes en 6 MO. A moi seul je suis plus fort que 6 pélos, et j'ai plus de métal que 6 PO. Dernière délocation, je me crois dans K2000, mais les produits dans un sachet de pas de mi. Mais négron fin de bif, mais négron fin de bif, devine Vlaga, une jusqu'à l'île Saint-Denis. Rempli d'idées sordides, demande pas ça vient d'où je suis un ovni. Demande pas ça vient d'où je suis d'une autre planète. Décolle à bord de la petite grosse. M'appelle pas les la veille. Tiens je t'ai vu quoi aguiler quand ça m'a enculé. Encore foncé de la veille. Tiens je deviens plus rancunier vu ce que j'ai enduré. Tous tes rappeurs font des cœurs. Bah, on les a jamais vus parler au singulier. Maman a trouvé des quêtes là et un bigot que j'avais mal dissimulé. Au square j'ai trop vendu la white, tell me why, tell me why. Tu peux me voir dans Ferrari white, tell me why, tell me why. Au square j'ai trop vendu la white, tell me why, tell me why, yeah. Tell me why, don't tell me why, bitch. On a pleuré les potes d'avant, les pétas sont de Moldavie. Pour accrocher le nouveau disque d'or, j'ai dû retirer le Salvador Dali. J'suis chez Audi, j'attends le RS, et mon frérot sa PCS. On mène une vie voyou salope, pour ça qu'on a des VVS. Bien sûr qu'on a des VVS, et depuis tout balance avec triple S. Yeah, yeah. Funny babe et le goat qui veut test, yeah, yeah. J'compte le bif, pas le temps qui me reste, yeah, yeah. Pa, pa, pa, ou dans ta tronche, voilà ce qui t'attendra si tu dors pendant que tu guettes. Enfant des briques, comme un portugais, me comparer à une négro, c'est hors sujet. Sur le poignet j'ai 4 Fiat, solide comme un spartiate. Tous ces robes ne sont pas fiables, putain ta zipette n'est pas skiable. J'suis dans le Clio et j'fume dans le fer posé avec mes retraits du 7-8. Eux c'est des boucables, les noms et les prénoms devant les condés, eux ils récitent. Funny baby, ce qu'un featuring ce kid. Putain le mur on l'a repeint, y'a du sang sur ma repée. S'il fallait le faire je le referais. Cette année on fait grave du bif, on va chuter comme grave du beat. On a mis l'or sur nos putains de chicots, et on fête le million à la checker. Yeah, yeah, yeah, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Vous êtes toujours sur la capitale du crime radio. On est sur le volume 2. Ce qui a été avec nous. En pétard, ce qui est en pétard. Code 9, Funny Baby. On lit tous vos messages, on voit tout. Le 7-8 est avec nous ce soir. On est à l'honneur. Le peuple réclame un refrain. T'entends ça, Biggie Joe? Let's go, let's go. Au square j'ai trop vendu la white, tell me why, tell me why. Tu peux me voir dans le Ferrari white, tell me why, tell me why. Au square j'ai trop vendu la white, tell me why, tell me why, yeah. Tell me why, don't tell me why, bitch. Au square j'ai trop vendu la white, tell me why, tell me why. Tu peux me voir dans le Ferrari white, tell me why, tell me why. Au square j'ai trop vendu la white, tell me why, tell me why, yeah. Tell me why, don't tell me why, bitch.